Le groupe AHA sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire et on va rester en chanson puisque dans ceux qui sont nés un 6 septembre 1943, c'était la naissance de Roger Waters, chanteur britannique du groupe Pink Floyd entre 64 et 85, notamment sur le titre Another Brick in the Wall, dont on écoute tout de suite un extrait. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Voilà pour l'extrait des Pink Floyd. Allez, on continue les anniversaires. 1958, naissance de Michael Winslow, acteur humoriste américain connu pour le rôle de Larvell Jones dans la série des films Police Academy. 1961, naissance de Pal Waktar Savoy, musicien norvégien du groupe HaHa. 1969, naissance de Sissy Peniston, chanteuse américaine. 1970, naissance de Stéphane Guivarch, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1982 à 2002 en jouant de 1989 à 2002 en jouant à Brest Armorique, Guingamp, Auxerre, au Stade Rennais, au Newcastle, au Glasgow Rangers, à Auxerre, et il a terminé en jouant de nouveau à Guingamp, et à noter qu'il est champion du monde 1998. 1974, naissance de Justin Wallin, acteur américain connu pour son rôle d'Andy Barclay dans le film Chucky 3 et aussi pour son rôle de Jimmy Olsen dans la série télé Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. 1975, naissance de Gala, chanteuse italienne. 1976, naissance de Naomi Harris, actrice britannique, connue pour son rôle de Tia Dalma, alias Calypso, la déesse de la mer dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit et Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Vue dans le film Miami Vice, deux flics à Miami dans le rôle de Trudy Joplin. Skyfall ainsi que Spectre dans le rôle d'Eve Moneypenny. Vue également dans Mandela, un long chemin vers la liberté dans le rôle de Winnie Mandela. Et vue aussi dans Beauté cachée. 1983, naissance de Pippa Middleton, sœur de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. Pippa Middleton, très présente dans la vie sociale, de par sa profession, mais aussi par sa personnalité et l'écho qu'elle rencontre dans les médias britanniques. 1984, naissance de Lucas Ballot, handballeur français professionnel depuis 2002, qui a joué à Ivry, à Ciudad Real, et depuis 2012, il joue au Paris Saint-Germain handball en équipe de France depuis 2005. Il compte à son palmarès 3 titres européens. En 2006, 2010, 2014, 3 titres mondiaux en 2009, 2011 et 2017 et 2 médailles d'or olympiques en 2008 et 2012. 1986, naissance de Brahim Zaibat, danseur, acteur français qu'on a principalement découvert grâce à la 4e saison de Danse avec les Stars, saison à laquelle il est arrivé 2e. Ensuite, on a pu le voir dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires dans le rôle d'Athos. Et cette année, on a pu le voir dans le film Let's Dance dans le rôle de Yuri Oko, côté de Ryan Bensetti. En 2009, décédé Sim, humoriste et comédien français, connu entre autres pour ses interprétations parodiques, notamment La Baronne de la Tronche en Biais, sa participation à l'émission radiophonique culte Les Grosses Têtes, et pour avoir tenu le rôle d'Agé Canonix dans les adaptations cinématographiques d'Astérix et Obélix, hein, dans Astérix Obélix contre César et Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, et vu aussi dans le film Cartouche, La Brigade en folie, ou encore 4 épisodes de la série télé Louis la Brocante. Allez, tout de suite, on s'écoute Sissy Peniston, connue pour son titre Finally, et bien qu'on écoute tout de suite. Come on, Pipinistan sur le 107, un peu plus de 8h45, on parle des dons du sang. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo, c'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de septembre 2019 dans notre département. Je cite, le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos citoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour se donner les moyens de répondre à cette exigence, je vais vous communiquer les futures dates du mois de septembre où vous pourrez aller donner votre sang. Le jeudi 12 septembre à Archette, à la Maison pour tous, située au 82 rue du Haut-Dumont, de 16h à 19h30. Le lundi 16 septembre au TIO, à la salle polyvalente, située à la 11 bis avenue de Verdun, de 16h à 19h30. Le mercredi 18 septembre au Val d'Ajol, à l'espace Dorothée, situé à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Le mardi 24 septembre 2019, au Toli, à la salle polyvalente, située à l'adresse 2, route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Et enfin, le lundi 30 septembre, à Éloi, à l'espace culturel, situé à l'adresse 5, rue Charles de Gaulle, de 8h30 à midi et de 16h à 19h30. Il est très important d'aller donner votre sang pour sauver les malades, car en effet, beaucoup de malades ont besoin d'une transfusion sanguine et nos dons, vos dons, pourrait sauver un bon nombre de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà pour le don du sang. On parle maintenant du mouvement citoyen. Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Saint-Nabor ce vendredi à 18h30, place de la gare. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site nousvoulonsdescoquelicotsattachés.org. Allez, un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Une météo ensoleillée aujourd'hui avec un petit peu de nuages, des températures fraîches ce matin, elles sont comprises entre 8 et 9 degrés. Cet après-midi, des températures comprises entre 19 et 21 degrés. Ce week-end, eh bien, on le passera sous la pluie avec du vent pour demain après-midi, en fin d'après-midi. Pour samedi, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin et entre 14 et 15 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le hockey sur glace et match amical et la défaite hier soir du club spinalien face à Strasbourg. 3 buts à 1, le but spinalien est signé Jan Pleur. En CHL, Grenoble s'est incliné 6 à 2 face au club finlandais de Carpates. Le prochain match ce sera samedi contre les Suédois de Skellefteå AIK. En basket, championnat du monde, nouvelle victoire pour l'équipe de France. 90 à 56 face à la République dominicaine. Nando De Colo à 15 points termine meilleur marqueur. Evan Fournier, lui, termine meilleur passeur. Et Rudy Gobert et Poirier, eux, terminent meilleur rebondeur. Le deuxième tour, c'est déjà dès demain après-midi. Tout d'abord contre la Lituanie. Et lundi après-midi, ce sera contre l'Australie. Un mot de tennis avec l'US Open et la qualification de Serena Williams en 2-7 face à Svitolina, 6-3, 6-1. La qualification d'Andreescu en 2-7 face à Bencic, 7-6, 7-5. Vous l'aurez donc compris, la finale de samedi opposera Serena Williams à Andreescu. Aujourd'hui, côté messieurs, ce sont les demi-finales qui opposent Dimitrov à Medvedev et Rafael Nadal à Berrettini. Un mot de cyclisme, Thibaut Pinot a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une grosse fatigue fatigue générale. Un mot de football avec l'Euro, match de qualification samedi pour l'équipe de France avec la réception de l'Albanie. Du côté de chez nous, en National 2 samedi, Épinal recevra Mulhouse. En National 3, Raon-l'Étape recevra Amnéville et Thaon-les-Vosges recevra le club de Vauban-Strasbourg. Et en basket, en National 1, le Jet Vosges affrontera à Vittel le club de Esch-sur-Alzette. Voilà pour l'actu sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec la chanteuse Gala et son titre Freed from Desire. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Avec son tube Freed From Desire, et des années après, eh bien, ce titre est d'ailleurs en compétition avec 9 autres pour peut-être devenir le nouveau titre des Bleus après que l'équipe de France ait marqué un but. On aura bientôt la réponse demain soir lors de France-Albanie. Allez, il est un peu plus de 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Un Autre Monde. À 11h, Ours et Carottes. À 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aimais, je vous le lis avec Dominique. 15h, Jazz Time. 16h, à la rencontre d'auteurs avec Chris. 21h, Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.